Êtes-vous prêt pour 2 heures de blues? Édition numéro 8 de Très Blues, assez fou. Mon nom est Denis Baudin. Pour les deux prochaines heures avec vous, je vous ferai entendre que du blues. On aura en notre vue d'Abra Diable, la chronique de Paul Deslauriers. Et on débute notre semaine avec un jeune prodige de la guitare. À 14 ans, il remporte le Young Guitarist of the Year du Guitarist Magazine. Il a par la suite conceptualisé, réalisé et commercialisé sa propre Fuzz pédale, la SM Fuzz. Il participe à plus de 50 collaborations studio ou en tournée. Il est entre autres le guitariste extrait de Tom Jones. On écoute Scott McKeon avec la pièce qui s'appelle I Can Tell. We'll be right back. écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue. On va faire ça bientôt, dans quelques secondes, notre première intervention, notre première entrevue. Au téléphone, on a avec nous Barbara Diab. Bonjour, Barbara. Oui, bonjour, Denis. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Ça nous fait plaisir de te recevoir. J'ai passé une belle semaine à écouter ton album. Merci, c'est très gentil. C'est un album qui est sorti tôt en 2015, avec des belles collaborations, des beaux bluesmen québécois et une bonne blueswoman avec une belle voix intéressante. C'est gentil, merci. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Il faut juste que je vous dise au début que Trois-Rivières a une signification très spéciale pour moi. Ah oui? C'est à Trois-Rivières, à l'UQTR même, que j'ai appris mon français. Okay, good. On est la radio de l'UQTR, hein? C'est ça, je suis très contente. Et Trois-Rivières, le festival de blues que vous avez à chaque année, j'ai rencontré un collaborateur de mon album à Trois-Rivières en blues. Alors, Trois-Rivières, pour moi, il y a une grande place dans mon cœur. OK, ton collaborateur qui est? C'est Tony Coleman, le batteur de B.B. King. OK, oui, yeah. Il a joué en 2013 à Trois-Rivières et j'ai eu la bonne chance de lui parler et il a offert de jouer sur mon album. Good. Alors, on est grands amis depuis et c'est vraiment chouette. Alors, c'est ça le blues, c'est beaucoup de partage. C'est du partage, c'est des amitiés, c'est un style de vie, comme diraient certains. C'est ça. Ça s'appelle Barbara Diab and the Smoke Meat Band. Voilà. Qui est le Smoke Meat Band, Barbara? Le Smoke Meat Band, c'est Pierre Lamontagne à la basse. Oui. Et on a Jean-Denis Bélanger. Il est connu J.D. Slim. Yeah. C'est son nom d'artiste, un grand bluesman. Avec nous, ça dépend de la disponibilité, mais on a Jean-François Paradis. Oui. À la batterie. On a Bernard Bellaurier à la batterie. Un excellent excellent batteur. On a plusieurs Liz Blues. Ah oui, je te dis, on est très bien entouré. Et Tony Coleman, bien sûr, le batteur de B.B. King. Yep. Sur l'album, j'ai eu aussi la belle collaboration de Stephen Berry, okay, grand bassiste. Oui. Et Pierre Ducas, qui a fait des back vocals, un peu de cœur pour moi. Très, très gentil. Alors, comme je vous dis, c'est une affaire d'amour, cet album-là, toute cette aventure qui a commencé à peu près il y a 5 ans. OK, good. Donc, on va écouter 3 pièces de ton album ce soir, qui sont 3 de tes compositions, si j'ai bien compris. Oui, j'en ai composé 3 là-dessus. J'en ai composé 8 sur l'album, sur les 13. Sur les 13, il y en a 8 à toi. Et oui. Ce soir, on va écouter 3 compositions de Barbara Diab. Et on va commencer tout de suite avec la pièce qui s'appelle Blues for Key Model. Voilà. Jesus, ride up to cloud number 7 and play something nice for mama in heaven. It's hotter than hell in the Delta. It's hotter than hell, I know, but I'm so damn glad that I met you, my sweet loving T-Model boy. He was on Chain Blues, a chicken head man, Greenville scrapper in a tail dragon land. Never met a stranger, Jack Daniels. Sporky Model Ford, Barbara Dian, Barbara qui est toujours en ligne avec nous. Barbara, c'est du blues, blues d'origine, du vrai blues groove. Oui, oui, c'est ça. Oh oui, j'ai eu la bonne fortune de parler à Nanette Workman, et c'est elle justement qui m'a dit, tu veux chanter le blues, ma fille, mais il faut que tu descendes au Mississippi, à Memphis. Et c'est justement là où j'ai rencontré T. Model Ford, qui avait 93 ans. Okay. Et j'ai chanté à son anniversaire. Et malheureusement, deux semaines plus tard, il est décédé. Oh. Alors, ça m'a tellement touchée, cette expérience. Le monsieur avait 93 ans. Il avait commencé sa carrière à 56 ans, à peu près. Alors, j'ai eu comme un gros béguin pour ce monsieur. Et ça m'a beaucoup attristé quand il est décédé, bien sûr. Alors, je me suis dit, c'est mon hommage à ce grand du blues qui a presque jamais quitté le Mississippi. Mais, que voulez-vous, hein? Les racines sont là. Alors, j'arrête pas d'aller au Mississippi. À chaque année, je descends, et Memphis aussi. Alors, on rencontre du monde, les vrais, là. C'est tellement intéressant et... Ça nous aide à faire rayonner le blues au Québec, ces rencontres-là. Effectivement, on y travaille fort. Et dis-moi, Barbara, il y a aussi le blues, ça sert aussi à enseigner? Oui, moi, j'aime enseigner l'anglais aux francophones, aux primaires. Et un de mes projets, c'est que je les fais apprendre l'anglais à travers la musique blues. Oui, yeah. Alors, il y a 4 ans, j'ai créé un chœur d'enfants qui s'appelle Les Jeunes en Blues. Et pour les élèves de 5e, 6e année. Et on a eu la chance d'aller au Festi-Blues de Montréal. Ils nous ont mis sur la grande scène, l'autre Québec. Mm-hmm. Et ça, on fait ça presque à chaque année. Là, on l'a fait 3 années de suite. Et là, je suis en train de préparer le nouveau projet, encore avec les jeunes et encore avec le blues. Ah, alors, c'est un grand succès, ça, parce que le blues, c'est historique, oui. Autant qu'actuel. Alors, j'aime que les enfants connaissent l'histoire de cette musique-là. C'est très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre. On y travaille à Très Blues Assez Fou à toutes les semaines. On fait l'histoire du blues. On a notre collaborateur Paul Deslauriers avec qui on remonte dans le blues. On est rendu dans les années 35 à 40 cette semaine et on découvre les origines du blues. C'est très intéressant. Et des chanteuses comme toi nous permettent aussi de voir où le blues est rendu en 2015 avec des compositions. Parle-nous de la prochaine pièce qu'on va entendre qui s'appelle Honky Tonk Woman, que tu as composé aussi. Oui, je ne l'ai pas composé, mais j'ai comme interprété à ma façon avec J.D. Slim à la dobro. Mm-hmm. La dobro, et c'est un hommage à Nanette Workman, parce que Nanette Workman était une des choristes pour les Rolling Stones. Effectivement, oui. Et en 69, quand elle avait chanté en chœur Honky Tonk Women, quand j'ai fait la chanson, j'ai réalisé que ça faisait 45 ans déjà. Alors, ça tombait bien quand j'ai sorti l'album, ça faisait 45 ans, et vu que Nanette Workman, c'est mon idole, je voulais faire un petit clin d'œil à elle. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Honky Tonk Women. On écoute. OK. I met a ginso barroom king in Memphis. Tried to take me upstairs for a ride. He had to heave me right across his shoulder, 'cause I just can't seem to drink you off my mind. It's a hard to put up some honky-tonk blues. Grand succès de blues interprété de façon magistrale par Barbara Diable. Merci, c'est une belle interprétation, c'est rafraîchissant. Merci beaucoup. Oh, j'ai eu beaucoup de plaisir avec le blues. J'imagine, on a tous beaucoup de plaisir avec le blues. Je veux faire entendre à nos auditeurs ta pièce du temps des fêtes, ta pièce de Noël. On écoute rapidement un court extrait de la pièce du temps des fêtes qui s'appelle « Santa's got something special for me ». Baby, butter my biscuit. Add some sugar, please. 'Cause I know I'm in a deep freeze. A bottle of gin and a tall whiskey. A big loving Santa just for me. Just for me. Qu'est-ce qui nous amène, Barbara, à écrire une pièce du temps des fêtes? Oh, mais j'avais de l'inspiration. Mais je me suis dit, le temps de Noël, c'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. Il y en a qui adorent ça, qui ont hâte. Il y en a qui trouvent ça lourd. Alors, moi, j'ai décidé que dans ma toune, j'aimerais mieux être à la plage. Alors, c'est ça. Là, on a entendu l'intégralité de la pièce de Noël, de Santa's Got Something Special For Me, dans notre spécial, dans quelques semaines, du temps des fêtes. Ça va nous faire plaisir de la faire tourner en intégrale. Et, oh, merci beaucoup. Barbara, avant d'écouter la dernière pièce de notre malheureusement trop courte entrevue, la dernière pièce qui s'appelle Enough of You, tu nous dis si tu es en spectacle bientôt. Qu'est-ce qui attend Barbara Diable et le Smoke Meat Band dans les prochaines semaines? Oh oui, on a tellement de projets là, ça va super bien. Le 26 décembre, on jouera à la Maison du Jazz de Montréal, c'est à 9h30. Il faut faire des réservations, c'est 10$ à la porte. Ça, c'est la Maison du Jazz le 26 décembre. Ensuite, en janvier, je descends à Memphis. Il y a un spectacle au Rum Boogie Café le 29 janvier. Ensuite, le 30 janvier, à Mississippi, le Musée du Rock and Blues à Clarksdale, Mississippi. Okay. Alors, tout ça dans le cadre du blues, toujours. On retourne en Italie cet été pour une tournée blues. En Italie, parce qu'on est allé l'année passée, alors on est réinvité. Alors, c'est vraiment le fun. Aussi. On a fait jouer du blues italien il y a quelques semaines. Je me fais un plaisir de découvrir des pièces blues de d'autres continents toutes les semaines. Et on a fait jouer un peu de blues italien il y a quelques semaines. Il faudrait que je retrouve la pièce, mais on se fait plaisir de faire jouer des pièces. Tu peux nous rapporter des pièces, Barbara, et nous faire découvrir des pièces dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça va nous faire plaisir. Oh, ben j'ai très, très hâte aussi de vous voir et de vous rencontrer en personne et de vous voir à Trois-Rivières cet été, j'espère. Tu es la bienvenue. Le Festival de blues de Trois-Rivières qui devrait avoir lieu encore au mois d'août. On va faire des pressions sur nos amis, Christian Gamache et compagnie. C'est très gentil. J'y vais toutes les années. Mon CD, si les gens veulent le procurer, il existe sur iTunes et CD Baby. Okay. Aussi, si vous voulez une copie physique, ils peuvent m'écrire à barbaradiab.com, juste dans le contact, là, vous me faites signe que vous voulez un disque et ça me fera plaisir de vous en envoyer par la poste. Parle-nous de Enough of You. Enough of You! La raison que j'aime le blues le plus, Denis, c'est parce que c'est une genre de musique qui me laisse m'exprimer de moi-même. Moi, je joue pas un personnage. Ce que je suis dans le blues, c'est moi-même. Alors, j'apprécie beaucoup la franchise de cette musique. Alors, Enough of You, j'avais une situation que j'en ai eu assez. J'en ai eu le ras-le-bol. Alors, une chance qu'on a le blues pour l'exprimer. Alors, c'est ça que ça veut dire. Enough of you. J'en ai eu assez. Alors, voici pour vous, les auditeurs de Très Blues à C'est Fou, sur C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Enough of you de Barbara Diable. here's the story of a woman who's had all she can take. The situation now is make or break. He done her wrong, but would never admit it. If the shoe fits, wear it. I know what you're thinking. I know what you're doing. I know where you're going. I know you've been cheating. I know what you're thinking. I know what you're doing. I know where you're going. Lies, lies, lies, kicking and screaming. What you're playing, I know what they're saying. You'll always be blaming. I hate you complaining. I know what you're playing, I know what they're saying. You'll always be blaming. Visitez cfou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. I'm like a ship out on the sea, drifting, drifting. I'm like a ship out on a clear milk sea. Ain't nobody in this world gonna care for me. If my baby, Lord, she only had me back again. Yeah, my baby, she only had me back one time again. so lonesome, Lord, I'd have me a friend. Pièce que nous venons d'entendre s'appelle All Said and Done. Elle est une pièce du groupe Blood Wind Pig. Blood Wind Pig est un groupe de blues britannique fondé en 1968. La formation initiale comprend Mick Abrahams. Mick Abrahams a fondé Blood Wind Pig après son départ de Jethro Tull. Il y avait aussi Jack Lancaster, Andy Pyle et Ron Berg. Le groupe s'est malheureusement séparé en 1970. Et il s'est reformé en 1988. La pièce que nous venons d'entendre est issue d'un album de 1970. En 1967, Mick Abrahams devient un des membres fondateurs de Jethro Tull et jusqu'à 1968, le groupe a bâti sa réputation sur le son de guitare blues de Mick Abrahams. Nous allons poursuivre avec une pièce de Greg Allman. Greg Allman, c'est un individu né en 1947 à Nashville. C'est un chanteur de rock et de blues. Greg Allman, il est chanteur, guitariste, pianiste, compositeur. Il est aussi un des membres fondateurs du groupe des Allman Brothers, créé en 1969. Il est un intronisé au temple de la renommée du rock and roll. Il a fait plusieurs pièces blues. On écoute un extrait de l'album Laid Back, sorti le 25 novembre 1973, donc presque hier. Voici Greg Allman avec Will the Circle Be Unbroken? I was standing by my window on a cold and cloudy day, when I saw the told the undertaker, undertaker, please drive slow, 'cause that lady that you are holding, oh, I hate to see her go. Tell me, will the circle back. Greg Allman avec Will the Circle Be Unbroken, une pièce de Johnny Cash. Bonsoir, Paul Delaurier. Bonsoir, Denis Baudin. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Hey, Paul, on te remercie beaucoup de couper une séance d'enregistrement avec des amis dans un projet pour venir jaser avec les gens de Très Blues Assez Fou à Trois-Rivières. C'est très apprécié. Ben écoute, ça me fait plaisir, toujours. Et je salue les gens qui sont avec toi, que je connais pour la plupart, ou presque. Ben oui, je pense que tu les connais tous. La semaine dernière, Paul, on a parlé de Robert Johnson, et à un moment donné, Robert Johnson, dans une de ses pièces, nous parlait de quelqu'un, il nous parlait de Willie Brown. Qui est Willie Brown? Oui, exactement. En fait, Willie Brown, c'était un des acolytes à Robert Johnson, un de ses amis, et puis un musicien de blues très connu à l'époque aussi. Et dans la fameuse chanson Crossroads, Robert Johnson, il chante, il dit, you can run, tell my friend boy Willie Brown. Fait qu'en parlant de Willie Brown, je trouvais que c'était à propos. On retourne un peu dans le temps, cette semaine, en fait, de date. Celle-ci, c'est un enregistrement qui date de 1930. Effectivement. Tu m'as donné Willie Brown, oui. Pardon? Tu m'as donné un peu fait la retarde pour le retrouver. Oui, c'est ça. En fait, évidemment, il existe seulement trois exemples de cet enregistrement-là dans le monde, apparemment. Et puis, c'est un peu difficile à écouter pour ceux qui sont pas des grands fans du grichage de vieil album. Mais j'ai toujours trouvé que sa voix avait une sublime qualité d'être comme du verre cassé. Effectivement. Donc, je vous présente pour ma première pièce, Willie Brown avec Future Blues. On avait l'impression d'être devant un vieux pick-up, Paul. Qui rouille. Qui rouille un petit peu, mais c'est tellement ça, le blues, les origines du blues, et le son, tout ce qui peut se produire dans une pièce blues, on la retrouve à l'intérieur de ce style de musique, les origines sont vraiment bien définies. Tout à fait. C'est ce qui fait vraiment le charme pour moi et la magie de cette musique-là, oui. Parce que c'est tellement mystérieux, tu sais. On connaît très peu sur ces artistes-là au niveau biographique et tout ça, mais cette musique-là existe grâce aux gens qui ont pris la peine d'enregistrer ces artistes-là à l'époque. On est encore dans le Delta Blues, hein? Oui, définitivement. Définitivement dans le Delta Blues. On va rentrer plus tard. Le Delta Blues va devenir plus... Avec la grande migration vers les villes qui est arrivée, là, où quand l'agriculture du coton et tout ça comme pris sa baisse. Okay. Et d'un moment donné, on a évolué vers les villes et la musique a évolué avec aussi. Si on veut boucler la boucle avec Robert Johnson, on faut parler d'un autre artiste. Faut parler de Big Bill Brunzi. Oui, Big Bill Brunzi, en fait, exactement. Parce que dans la fin des années 30, il y a John Hammond Sr. qui voulait faire un concert à Carnegie Hall pour présenter la musique afro-américaine. Ça s'appelait From Spirituals to Swing. Et puis, il voulait avoir Robert Johnson pour venir performer une chanson solo pour vraiment montrer ce qui était le summum de cette forme d'art avec ce gars-là. Et je pense que je l'ai expliqué il y a quelques semaines dans une de mes présentations, mais c'était que on avait découvert que Robert Johnson était déjà mort. Il est mort à l'âge de 27 ans, 13 ans. Et puis Big Bill Brunzi a été recruté pour le remplacer. Et puis cette pièce ici, c'est Big Bill Brunzi qui date de 1937. Ça s'appelle New Shake On Down. Got plenty of whiskey, wine and gin. Listen to me, baby, cause it ain't no sin. I'm crying, baby, don't holler. Baby, let's shake 'em on down. Girl, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. When I get drunk, I don't clown. I just feel good, gal, and want to shake 'em on down. I'm crying, be blessed, shake 'em on down. Gal, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. This ain't tucking a Susie Q. Just watch me, baby, and I'll show you just how to do. Crying, baby, don't holler. Oh, baby, let's shake 'em on down. Girl, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. Yeah, yeah. This dance is new. Put your mind on it, gal, and it ain't hard to do. Crying, baby, don't holler. Baby, let's shake 'em on down. Gal, it's no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. Babe, you laying up in your silk and lace. Oh, behind you, baby, look like a vacant place. Crying, yeah, baby, don't holler. Oh, baby, let's shake 'em on down. Yeah, it ain't no need to holler. Baby, let's shake 'em on down. Yeah, yeah. Paul, c'est autre chose. On commence à rentrer dans un blues plus orchestré. Oui, en fait, un blues, on pourrait dire même plus urbain. Où est-ce que Big Bill Brunzi, en fait, c'est un artiste qui habitait à Chicago. Et puis, effectivement, on ressent beaucoup l'influence plus urbaine dans sa musique et tout ça. On parle d'autres instrumentations, il y a du piano, il y a d'autres trucs comme ça aussi qui viennent d'élaborer les arrangements. Et c'est dans les semaines à venir, on va entendre et écouter ça aussi. On va en parler surtout. On poursuit notre aventure, notre machine à voyager dans le temps. On s'en va plus dans les années 37-38, si j'ai bien compris. Oui. On parle avec de Tampa Red. De Tampa Red, oui, exactement. C'est un autre artiste qui enregistrait beaucoup à cette époque-là. Il était très populaire. Et puis lui, il avait c'est un des premiers artistes qui a joué avec une guitare résonateur. Okay. C'est quoi une guitare résonateur? Là, si on se souvient de la pochette d'album de Dire Straits, Brothers in Arms, une guitare acoustique, mais avec le corps tout en métal. Oui. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est un résonateur qui était comme un peu un cône, qui agissait un peu comme un haut-parleur. Puis c'est okay. Des guitares qui ont été inventées à l'époque où est-ce que ça c'était avant les guitares électriques, avant que les guitares électriques existent. Et le problème avec la guitare acoustique, c'était elle se faisait toujours perdre au niveau sonore dans les mix avec des orchestres et des trucs comme ça. Ça projetait pas assez fort. Donc, cette guitare-là a été conçue pour ça, pour projeter encore plus loin. Ça agit vraiment comme un haut-parleur. Puis si tu joues dans la rue avec ça, tu fais du busking, quoi que ce soit. C'est vraiment c'est très, très particulier comme son, puis c'est très métallique en même temps. Mais ça projetait beaucoup. Et lui, c'en est un des premiers artistes à s'en procurer une puis d'enregistrer avec. Et fait que je vous présente Tampa Red avec la chanson It Hurts Me Too. I can't be happy, mama, for being so blue when you keep on worrying the way you do. When things go wrong, the man you're loving, he don't want you around. So take me, mama, let's leave this town. When things go wrong, so wrong with you, it hurts me too. If he keep on dogging you the way you do, may lose my head, mama, and my temper too. When things go wrong, so wrong with you, it hurts me too. Careful, mama, he will break your heart. When things go wrong, so wrong with you, it hurts me too. I love you, baby, you know it's true. So why put up, mama, with the way he do? When things go wrong, so wrong with you, it hurts me too. On était avec Tampa Red, It Hurts Me Too. Paul, on était un petit peu plus dans le retour vers j'appelle le blues du coton, une voix nasillarde. Ouais. Mais écoutez, à l'époque aussi, ça faisait partie de la technologie, hein, parce que les tourne-disques et tout ça, c'était vraiment, c'était rudimentaire. Et puis, on écoutait ça avec une espèce de cône, ouais. Tu vois, qui crochetait. Et donc, les voix nasillardes, même non seulement dans le blues, mais dans la musique populaire, tout ça, les sons un peu plus, ce qu'on appelle du mid-range, là, certaines fréquences qui projetaient un peu plus avec ces affaires-là. Si les gens avaient une voix douce et feutrée, ça projetait pas avec la technologie d'enregistrement qui existait à l'époque. Donc, on retrouve particulièrement des voix comme ça de cette époque-là, puis quand on avance dans le temps, on voit que la technologie avance, puis les sonorités deviennent plus riches. Oui, tout à fait. Paul, qu'est-ce qui se produit pour toi dans les prochains jours, les prochaines semaines? En fait, dans votre coin, on est au magasin Général Brun demain soir. Demain, le Body Lovely oui. Band à Masquinongé en formation acoustique. Et puis, le lendemain soir, samedi, on était à la Maison de la culture de Waterloo. Et puis, la semaine d'après, jeudi le 3, on présente un show, un spectacle bien spécial aussi avec Anouar Khourshid, l'album oui. Qu'on a fait acoustique avec un joueur de sitar. Donc, on présente ça à Shawinigan, à la Maison de la culture à Shawinigan, jeudi le 3 décembre aussi. OK. Donc, on fera relâche probablement jeudi le 3. Tu vas être en spectacle. Oui, mais peut-être juste avant d'embarquer, je pourrais. On pourra faire peut-être quelque chose en débutant à 19h. Good. Paul, c'est toujours un plaisir de partager tes connaissances du blues et l'histoire du blues avec toi. Toujours des belles c'est histoires. C'est toujours bien le fun de passer la soirée avec vous autres ici. Écoute, je te coupe la parole, Denis, parce que je sais que tu vas jouer du Rory Gallagher. Oui, c'est la prochaine. La prochaine chanson, et puis moi j'ai une histoire, une anecdote de Rory Gallagher. Ben on l'apprend, on les prend tous. C'est une vieille histoire, écoute, ça date de 25 ans. J'étais, je jouais dans un vieux club dans le Vieux-Montréal qui s'appelait La Nuit Magique. Oui. Puis je vois rentrer un gars, et puis que je reconnais, mais je replace pas tout de suite, puis je me rends compte, hey, c'est qui? C'était The Edge de U2. Oh yeah. U2 est en ville, est en train de jouer. Et puis, elles sont venues au club après, puis on a passé la soirée ensemble, jasé beaucoup de musique et toutes sortes d'affaires. Et puis, il m'a parlé, c'est lui la première personne qui m'a parlé de Rory Gallagher. À l'époque, parce qu'on le sait très bien que Rory Gallagher, c'est un artiste irlandais. Oui. Fait qu'il a partagé ça, cette information avec moi, que j'ai allé tout de suite acheter des albums de Rory Gallagher, puis c'est grâce à The Edge de YouTube. Bon, on écoute Gambling Blues de Rory Gallagher. Merci, Paul Deslauriers. Merci, Denis. Thank you. true a gambler, some other fool could have my room. True a gambler, some other fool can have my room. Luck for my baby, sure might be my doom. Écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Et l'on poursuit nos découvertes du blues. On vient d'écouter du Rory Gallagher. Nous allons poursuivre avec un groupe qui s'appelle le Nick Moss Band. Nick Moss Band ont été 16 fois nominés au Blues Music Award. Nick Moss n'est pas le chanteur principal du groupe, c'est le guitariste et le compositeur. Ils font partie à le Nick Moss Band d'un nouvelle génération de bluesmen qui donne des prestations apparemment assez particulières sur scène. Donc on écoute Catch Me I'm Falling du Nick Moss Band, pardon. Down the rest, toes raised to the sky with the world. help me out when I say this, fellas. Ha. I say, fellas, somebody's calling my name. I said, fellas, hey. Somebody's calling my name. Yeah, yeah, yeah. I said, fellas, hey. Somebody's calling my name. Feel good to me, man. We'll be right back. never get back my blue jeans. Well, how happy could one man be? Said, if I ever get back my blue. Jeff Healey, Norman Jeffrey Healey, mieux connu sous le nom de Jeff Healey, est un chanteur, compositeur et guitariste de jazz, de blues et de rock canadien né à Toronto. Il est abandonné à la naissance puis adopté. Son père est un pompier, qu'on nous dit. Il a perdu la vue à l'âge d'un an à la suite d'un cancer rare de la rétine, contre lequel il s'est battu toute sa vie, qui a finalement, malheureusement, qu'il a tué en 2008. Il commence à jouer de la guitare à l'âge de 3 ans en posant l'instrument à plat sur ses genoux. C'était d'ailleurs sa marque de commerce et il avait une voix, comme vous venez d'entendre, assez particulière et des orchestrations qui le soutenaient très, très bien. Nous allons continuer la soirée blues de Très Blues Assez Fou avec une pièce de A.C. Reid qui s'appelle « This Blues is Killing Me ». AC Reid, This Blues is Killing Me, mais on va poursuivre notre aventure blues à Très Blues à Cifou sur les ondes de Cifou 89.1 FM à Trois-Rivières. On va écouter du B.B. King. On va vous raconter une anecdote sur B.B. King. On raconte que en 1949, B.B. King jouait dans une salle de danse, un dance hall, en Arkansas, dans la ville de Twist. Et lorsqu'une bagarre a éclaté entre deux hommes, la bagarre fut tellement violente que la salle était chauffée à l'époque par un poêle à bois et le poêle a mis le feu dans la salle de danse parce que le poêle a renversé. Et paniqué, tout le monde a pris la fuite, sont arrivés dehors. King s'est rendu compte, B.B. King s'est rendu compte qu'il avait laissé sa guitare à l'intérieur, donc sachant qu'il aurait absolument pas de chance ou que ce serait très long avant de ramasser l'argent nécessaire parce qu'à l'époque, en 1949, une bonne guitare coûtait 300$. King est rentré dans le bar en flamme pour retrouver sa guitare et en ressortir très rapidement in extremis et sauver son instrument qui lui permettait de vivre de son art. Plus tard, il a appris que la bagarre avait été déclenchée à cause d'une fille. La fille se prénommait Lucille et que les deux hommes avaient été retrouvés morts le lendemain dans les décombres. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'appeler sa guitare Lucille afin de toujours se souvenir de ne pas agir de façon stupide dans la vie. En 1968, un album qui s'appelait Lucille portait qui un album de 1968 s'appelait Lucille pour le nom de sa guitare. Par la suite, Gibson a créé une guitare Lucille. Elle a été créée en série. Elle a la particularité de ne pas avoir d'ouïe pour une guitare demi-caisse. La table est en érable laminé, ce qui lui donne un son plus claquant. Par la suite, Epiphone a décidé de commercialiser une réplique de la guitare pour un prix trois fois moins cher que la version de Gibson. C'est la merveilleuse loi du libre marché. Donc, pour rendre hommage à Lucille, nous écoutons du B.B. King qui va nous faire Blues Boys Tune. We'll be right back. Vous êtes à CIFU. 89.1. CIFU. CIFU. Vous écoutez Très Blues à CIFU avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Et sur Très Blues à CIFU, on poursuit nos découvertes et nos retours dans le temps. On va s'en aller écouter un autre King après B.B. King. On va écouter Freddie King. Freddie King, c'est un joueur, un guitariste qui avait la particularité d'être bien pensant, bien pesant, disons-le. Peut-être même un gabarit plus imposant que celui de B.B. King. Cependant, la guitare dans ses mains avait une fluidité particulière, tout comme B.B. King. Il y a eu une période dans les années 50 où il y avait beaucoup de King. On a eu B.B. King, on a eu Freddie King, on a eu Eddie King, Earl King, un paquet de King qui jouait du blues, Little Jim King, qui nous ont fait découvrir le blues. Une des particularités de Freddie King était de tenir des concerts assez long et très intense. Il n'y avait aucun moment d'arrêt dans ses concerts. Il partait un concert, il n'y avait pas de temps d'arrêt entre les pièces. On écoute de Freddie King la pièce qui s'appelle « I'm Tore Down ». Jump in, my baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm tore down, I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with all my heart and soul. A love like mine will never grow old. I love you in the morning and in the evening too. But every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm tore down, I'm almost level with the ground. Ooh, I feel like this when my baby can't be found. A love like mine is out of sight. I lie for you if you want me to. I really don't believe your love is true. Well, I'm tore down, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Well, I'm tore down, I'm almost level. Freddie King, I'm Tore Down. On peut pas faire une émission de blues, de 2 heures de blues, sans écouter au moins un Eric Clapton. Blues Before Sunrise, une pièce d'Elmer James. up my happy home. Clapton, Blues Before Sunrise. Maintenant, on va écouter du George Thorogood. George Thorogood, qui est un individu qui est, dont le blues est particulièrement souvent attitré ou relié ou avec le monde des motocyclistes. Il y a eu des chansons comme Bad to Be Bone, qui étaient des chansons de route. On va écouter une des chansons de route de George Thorogood qui s'appelle Highway 49. George Thorogood, Highway 49, sur C'est Fou 89.1 FM, Trois-Rivières. Vous écoutez Très Blues à C'est Fou. Mon nom est Denis Baudin. La prochaine pièce que nous allons entendre est une pièce de Zach Harmon. Zach Harmon est un musicien américain qui fait beaucoup de studios, mais qui a quand même près de 10 albums à son actif. La pièce que nous écoutons ce soir s'appelle Feedback on the Ground. Thank you. like a plane up in the sky. With you in my life, eh? Lord, I believe I can fly. Thank God I got you around to put my feet back on the ground. I thank God I got you around to put my feet back on the ground. I'm so glad I got you around to put my feet back on the ground. Oh yeah. Vous écoutez Très Blues Atifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Colder the heart, oh. Count Me Out, une pièce qui s'appelle Darling, une pièce qu'on a entendue plusieurs fois, plusieurs reprises dans Trip Blues assez fou. C'est ce qui met un terme à notre émission de cette semaine. Je remercie Barbara Diable d'avoir été présente avec nous, de nous avoir donné de son temps. Merci Paul Delaurier pour sa chronique toujours aussi savoureuse. Merci à mon stagiaire Émeric qui était avec moi. Cette émission était dédiée à la mémoire de Cécile. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Steven Hubert sera avec nous pour un spécial musique en direct, grande salle du blues. Steven a préparé un travail depuis plusieurs semaines sur un projet d'émission qui saura vous plaire. Mon nom est Denis Baudin, vous êtes à C'est fou 89.1 FM Trois-Rivières. C'était très blues, assez fou. N'oubliez pas, écoutez du blues.